Et ma chien et ma bomba zotli. Un stylo, une feuille, une instrumentale. Je n'ai besoin que de ça pour me mettre bien. Ma plume me permet d'écrire ce que je vis et ce que je vois. J'ai la musique sur le cœur et bien sûr vous en êtes témoin. Je savoure ma vie tant qu'il est encore temps. Car j'ai appris à mes dépens que l'amour pouvait aussi emporter les biens portants. La vie est aussi fragile que les sentiments. Maintenant je sais pourquoi l'amour nous paraît intrigant. Vivre pour soi-même, c'est dans l'air du temps. Moi je vis pour ceux que j'aime, je trouve ça beaucoup plus important. J'essaie d'étendre mes ambitions aussi loin que l'horizon, tout en restant fidèle à mes convictions. Et c'est vrai, mon âme a des échymoses. Car ce qu'on vit n'a rien à voir avec les films à l'eau de rose. Faut faire gaffe à quoi on s'expose, pour ne pas qu'au final son cœur explose. Mes pensées n'ont pas de frontières en fait. Mes écrits me permettent de fixer mes repères. Et même si je sais que je ne suis pas une lumière, j'écris, car en fait c'est ça qui me libère. Mes pensées n'ont pas de frontières en fait. Mes écrits me permettent de fixer mes repères. Et même si je sais que je ne suis pas une lumière, j'écris, car en fait c'est ça qui me libère. Mes écrits me libèrent. À chaque fois que je prends une feuille et un stylo, j'ai l'impression de prendre une bouffée d'air. J'essaie de faire en sorte que ma conscience reste en place, afin que je puisse toujours me regarder dans la glace. Et c'est vrai que le miroir ne reflète pas mon âme, car sinon sur mon visage on y verrait des larmes. Sur cette terre il y a tellement de drames, on dirait que le bien est stérile et que le mal est polygame. Hommes et femmes toujours prêts quand il s'agit de montrer les armes. Je prie Dieu afin qu'il puisse m'éloigner des flammes du chétan. La réalité fait mal comme un boomerang mal réceptionné. Donc c'est pour ça que je n'ai pas fini de me questionner. On est semblable tout en étant différent. Si tu me comprends, bienvenue dans mon sable mouvant, où mes pensées sont aussi larges que l'océan. Je veux toucher ton âme, moi je m'en tape de crever l'écran. Mes pensées n'ont pas de frontières en fait. Mes écrits me permettent de fixer mes repères. Et même si je sais que je ne suis pas une lumière, j'écris, car en fait c'est ça qui me libère. Mes pensées n'ont pas de frontières en fait. Mes écrits me permettent de fixer mes repères. Et même si je sais que je ne suis pas une lumière, j'écris, car en fait c'est ça qui me libère. Et je frise le paroxysme lorsque je vois que certains doutent encore que Dieu existe. La vérité, ce n'est pas l'homme qui la fixe, sinon il y a bien longtemps que je serais pessimiste. Tout comme toi, je suis trop souvent tenté par Iblis. C'est derrière les belles choses que la peine se glisse. Donc accroche-toi aux objectifs que tu te fixes et persiste afin d'aboutir à la réussite. Ma plume fait partie de mon identité. Je suis pas dans votre game, je préfère garder mon authenticité. Je suis envers et contre tout, c'est celui qui est en haut qui me tient debout. Ma plume me permet de voyager dans un endroit lointain. Donc quand j'ai le blues, j'écris afin de me sentir bien. Mais bon, comme toute bonne chose a une fin, c'est la fin de ce couplet maintenant. Place au refrain. Mes pensées n'ont pas de frontières en fait. Mes écrits me permettent de fixer mes repères. Et même si je sais que je ne suis pas une lumière, j'écris, car en fait c'est ça qui me libère. Mes pensées n'ont pas de frontières en fait. Mes écrits me permettent de fixer mes repères. Et même si je sais que je ne suis pas une lumière, j'écris, car en fait c'est ça qui me libère.